Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur le 107 à l'écoute de RGM, la radio qui fête ses 41 ans. Alors, le programme de cette émission de ce soir, le calendrier des esclavages des libérations, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, Guyane, monde en transition. Ensuite, calendrier, bien sûr, hein. Ensuite, la séparation de l'Église et de l'État, le quatrième épisode. Ensuite, Michel Maffesoli, sociologue, les grands entretiens d'Yves Tréhard sur la LCP, la chaîne parlementaire. C'est une chaîne qui est intéressante quand même. Ils font assez souvent de bonnes émissions. Et puis, il n'y a pas de pub. Hein, eh oui. C'est l'Assemblée nationale. Ensuite, les super bassines. Le moment Meurice, sur France Inter. Quand le RN cherche à me faire taire, dit Aurélien Saint-Tout à l'Assemblée nationale. La drôle de minute, Karine Dubernet. François Ruffin, la richesse, c'est comme le fumier. Ensuite, tenue correcte exigée à l'Assemblée nationale. Et puis, une petite revue de presse, hein, voilà. Ce sera tout pour ce soir. Le calendrier des esclavages et des libérations du 30 janvier. Que s'est-il passé donc le 30 janvier? Ben, des tas de choses, bien sûr. Par exemple, en 72 avant Jésus-Christ, à Rome, de janvier à octobre, l'esclave révolté Spartacus organise sa troupe, bat les armées consulaires à deux reprises, mais n'ose pas attaquer la ville de Rome. S'il avait été mieux renseigné, il pouvait parfaitement attaquer la ville de Rome et la prendre sans trop de problèmes. Eh oui, mais il ne le savait pas. Donc il a agi autrement. 1843, Grande-Bretagne, les chartistes répondent au journal ouvrier français L'Atelier. Deux points, ouvrons les guillemets, unissons-nous fraternellement, comme il convient à deux peuples qui se connaissent et qui savent que leur concours peut purger l'Europe des races impies qui l'oppriment et jeter les bases de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. 1884, Autriche. Le gouvernement décrète l'état d'urgence contre les organisations ouvrières. Il fait arrêter et expulser les militants. 1900, Espagne. Loi sur les syndicats agricoles. 1927, Autriche. Des militants de l'association des anciens combattants tirent sur un défilé des milices ouvrières à Schattendorf. Un invalide et un enfant sont tués. 1933, Allemagne. Il y a plus de 6 millions de chômeurs. Après un mois de négociations et d'intrigues politiques, avec l'appui des gros propriétaires fonciers et des gros industriels, sur l'appel du président Hindenburg, Adolf Hitler devient chancelier. Il promet un empire de 1000 ans. Il y régnera 12 ans. Sa dictature coûtera la vie à 60 millions d'hommes et de femmes. Il y en a même qui dit 64 millions. Dans les semaines qui suivent son accès au pouvoir, l'appareil légal des organisations ouvrières va être systématiquement détruit. L'appareil légal des organisations ouvrières va être systématiquement détruit. 1948, Inde. Un hindou conservateur et fanatique assassine Gandhi, prophète de la non-violence et artisan de la libération de l'Inde. Il était un saint parmi les hommes politiques et un homme politique parmi les saints. 1972, Irlande du Nord. Dimanche sanglant à Londonderry, des soldats britanniques ouvrent le feu sur des manifestants réclamant les droits civiques. C'était en 1972, hein, pas il y a un siècle. Hein. Bon. 1984, France, suite aux exigences de plus en plus arrogantes du patronat et à l'annonce de la reconversion dans les grandes industries, Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT, lance un avertissement au gouvernement. Deux points, ouvrons les guillemets. C'est lui qui parle. Ce que nous n'avons pas accepté du CNPF, c'était le nom du patronat en 1984, et des gouvernements précédents, il n'est pas question de l'admettre maintenant. Quel que soit le gouvernement, notre guide, c'est l'intérêt des travailleurs. Vite, fermons les guillemets. Thank you. On parlait de l'argent public tout à l'heure, ça sert aussi à financer les services publics. Oui. On a vu ces dernières semaines la crise du secteur de la santé. Un jour de crise sans fin, a dit le président de la République, et des Français qui ont de plus en plus de mal à se faire soigner dans les déserts médicaux. Ici, forcément, la problématique est encore plus prégnante. Regardez l'histoire de Ali Wei. Il a 5 ans, il se bat contre un cancer, un témoignage recueilli par Jean-Gilles Assard de Guyane la Première. Tous les 15 jours, il faut partir à Kourou pour des analyses. Et tous les mois, à Cayenne pour de la chimio ou d'autres traitements. 5 heures, départ pour Cayenne. Un trajet de plus de 2h30. Accueilli par le corps médical, Ali Wei fait preuve de sérénité. Il est surnommé dans le service le petit courageux. Depuis le mois d'avril, la famille se répartit la tâche pour favoriser les soins d'Ali Wei. Pour pouvoir venir ici, je prends un jour de congé. Je prends un jour de congé de mon travail. Les familles éloignées n'ont pas le choix, comme le reconnaît le docteur Benjamin Fèvre. C'est toujours mieux d'être proche d'une structure de santé, oui. Après, je dirais que c'est un projet d'essayer de permettre la démographie médicale sur tout le territoire de la Guyane. Naturellement, tout le monde en rêve d'avoir des services de neurologie et de cardiologie accessibles pour éviter cette galère-là. Bien sûr. Et ce pauvre petit qui fait sous de cette route, et encore, s'il était à Maripasoula, il devrait attendre que l'avion de ligne passe. Il ne passe pas tout le temps, il n'en a pas eu pendant un mois, là. Non, on a une situation qui est... les gens font preuve d'un dévouement, d'une patience infinie. À peu près la moitié des gens qui soignent un cancer doivent le faire dans l'Hexagone. Alors imaginez-vous, vous avez votre papa ou votre maman ou votre gamin, il part dans l'Hexagone, il est tout seul. Ça coûte 13 millions par an, alors, ces évacuations. Alors vous voyez, c'est vous dire qu'on ferait mieux de mettre ici les installations qui sont nécessaires. Mais plus généralement, sur le sujet de la santé, c'est qu'une affaire de moyens. Beaucoup. Là, nous sommes arrivés, le crash est commencé, c'est-à-dire le truc qui s'effondre, ça ne marche pas. Il y a plein de choses qui marchent plus. Le métro ne marche pas, les avions ne partent pas à l'heure, les trains non plus. La santé, vous y allez, vous attendez 10 heures aux urgences. Enfin, beaucoup de choses ne fonctionnent plus. Il y a une sorte de carmondisation de l'État sous les coups d'une politique qui enlève. 18 000 lits sous l'époque Macron, fermés. Et ainsi de suite. Et puis des décisions absurdes sur le recrutement des personnels de santé. Pendant des années, il y a eu un numerus clausus qui empêchait, on craignait qu'il n'y ait pas assez à faire pour les médecins et qu'ils n'aient pas de clientèle suffisante, les libéraux. C'est une histoire de fou qui a commencé dans les années 70. Donc maintenant, il y a plusieurs mesures d'urgence à prendre. D'abord, il faut réintégrer les personnes qu'on a expulsées du service de santé parce qu'elles ne voulaient pas se vacciner. Alors, on ne peut pas les laisser suspendues jusqu'à la fin de leur jour, d'accord ? Il faut donc prendre une mesure. C'est une petite minorité, ça ne changera pas grand-chose. Ça dépend si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique. En Guadeloupe, c'est 600 personnes. Ici, c'est peu de monde, c'est vrai. Nous en sommes à 20. Mais commençons par ça. Ensuite, stabilisons ceux qui sont là. On n'a pas intérêt à ce qu'ils sauvent. Il y en a déjà 180 000 de partis. Donc, tous les précaires d'aujourd'hui, il faut tous les titulariser. Et puis, il faut améliorer les payes pour qu'ils ne s'en aillent pas. Et ensuite, il faut mettre en route... Jusqu'à combien, tiens? Ça, c'est pas à moi à dire, c'est les syndicats qui négocient ça avec les directeurs. Non, parce que ça a été fait, il y a eu le Ségur de la santé, oui, il y a eu un effort qui a été fait. Ça marche, il y a des milliers c'est de gens. C'est pour ça que je vous pose la question. Il faut que les gens soient décemment payés. Pour l'instant, c'est les plus mal payés d'Europe, on peut faire quelques progrès. Mais ça, c'est les syndicats qui doivent discuter ça. Ensuite, la gestion de l'hôpital doit changer. Alors, le président de la République annonce pour la deuxième fois qu'il supprime, c'est un truc barbare, ça s'appelle le paiement à l'acte. Alors ça vous transforme un hôpital en une machine à produire du soin. Alors d'un côté, il faut des actes qui rapportent, et de l'autre côté, ça porte un nom barbare, la durée moyenne de séjour, il faut la raccourcir le plus tôt possible. Alors hop, vous êtes là, on vous soigne, tchouf, dehors, on amène le suivant. C'est-à-dire que l'hôpital doit d'abord être quelque chose, et tout le système de santé, qui traite la personne humaine, non seulement quand elle va mal, mais également en prévention. Ça ne doit pas être rentable. Si on tient les comptes d'équilibre, ça va, c'est mieux. Si on y perd, écoutez, si vous avez envie de mourir plus tôt, faites-le. Mais on dit qu'on dépense 60% de sa dépense de santé dans les 6 derniers mois de la vie, mourir 6 mois plus tôt. Bon, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle je tiens à mon expression, qui est de dire qu'on doit s'occuper des personnes. Il ne faut pas traiter les gens comme des choses. À la fin, ça termine mal, pour tout le monde. Les soignants qui en ont marre de faire ça, alors il y a des mesures. Alors là, ici, prenons la Guyane. Écoutez, Très vite, je voudrais qu'on parle d'écologie. Oui, oui, mais je veux dire aux Guyanais, écoutez, on ne peut pas aller là-bas dans l'Hexagone et dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi, pouf, tu vas en Guyane. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit attractif de venir, et surtout, il faut que la jeunesse guyanaise intègre un système de santé. Donc, on a besoin d'écoles professionnelles de santé où on recrute, mettons, après 16 ans, c'est-à-dire après la fin de la scolarité obligatoire, en gros, comme pour le lycée professionnel vers la seconde, et on paye les gens. On les paye comme autrefois on payait les apprentis instituteurs. Et vous verrez que la jeunesse guyanaise, par exemple, vous m'avez parlé de la Guyane, il y a la ressource. On est en Guyane. Ils sont là. Les gamins sont là. Les intelligents sont là. Il n'y a plus qu'à les mettre dans le bon parcours. Allez, l'enjeu de ce siècle, des années qui viennent, c'est de produire de l'énergie décarbonée, pas chère, et de conserver notre souveraineté. Oui. Parlons du projet de la centrale électrique de Prospérité. Vous connaissez bien, vous y êtes allé ces derniers jours, c'est mardi. C'est une centrale à la pointe de l'innovation environnementale, pas de gaz à effet de serre, pas de particules de fil, pas de bruit, pas de fumée, mais des populations locales qui n'en veulent pas. Laurent Bignalas vous raconte cette bataille entre, d'une certaine manière, le progrès et la forêt. L'image de ce paresseux, cherchant son chemin parmi des centaines d'arbres abattus, a fait le tour de la planète. Une image diffusée sur les réseaux sociaux pour médiatiser la résistance des habitants de Prospérité face au projet d'installation sur leur territoire d'une centrale solaire. Elle est prévue pour 2024 et la déforestation a déjà commencé à 1,5 km du village, mobilisant les 200 habitants et les associations qui soutiennent leur lutte. Nous, le peuple Kalinya d'Amérique du Sud, aujourd'hui, nous allons résister encore et encore. Wupu ? Wupu ? Wupu ! Roland, le chef du village, a donné le ton. Il nous accompagne sur le site convoité. Ah, ça va peut-être pas vous faire plaisir, Roland. Pour vous et le village, si je dis qu'ici, sur votre territoire, j'ai l'impression qu'on est sur une zone de guerre. Oui, ici c'est notre territoire. Mais justement, comme vous pouvez le voir autour de vous, c'est vraiment un massacre de la forêt. C'est récent ? Oui, c'est toujours vivant. Ça fait 3 mois qu'il est coupé et il saigne encore. Un espace vaste, Philippe, hein, quand même, il y a plusieurs hectares. Clairement, là, 16 hectares, ils ont déjà dévasté. Et ils voudraient en dévaster 4 fois plus, puisque le projet doit faire 85 hectares de déboisement, globalement. Une horreur. Ce qui doit se construire ici, c'est une centrale électrique à base de panneaux solaires pour produire de l'énergie propre. De quoi alimenter toute l'agglomération de Saint-Laurent-du-Maroni. À Cayenne, 280 km au sud, Henri Ozerman nous attend dans ses bureaux. Pour le directeur général du projet, cette centrale est nécessaire et souhaitée. Vous pensez pouvoir offrir une indépendance énergétique pour combien de milliers de foyers dès que la centrale serait ou sera en route ? Alors, dès que la centrale sera en marche, on va pouvoir approvisionner environ 50 000 personnes, ce qui est énorme. Et c'est un besoin très important pour le développement de la Guyane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, nous avons eu 140 coupures électriques. C'est énorme. En attendant, la déforestation avec les engins, la destruction des arbres, de cette surface forestière, a un impact sur l'environnement et sur les espèces. L'impact de cette centrale est positif. Actuellement, Saint-Laurent-du-Maroni est alimenté par des groupes électrogènes qui marchent au gasoil. Nous produisons, grâce à cette centrale, de l'électricité uniquement avec du soleil et de l'eau. En termes de préservation de la planète, je pense que c'est un projet exemplaire. Les Amérindiens Kalinya se sont installés ici il y a 35 ans. Et leur village, Prospérité, a toujours bénéficié des ressources forestières, bois, fruits, plantes médicinales, grâce à la zone d'usage collectif qui leur a été allouée. En grignotant ce périmètre, si proche des habitations, le projet de centrale soulève un vent de colère. Déforester pour mettre des panneaux solaires dans une forêt comme celle-là, c'est une aberration, quoi. Le bois pagué des Amérindiens. Et là, l'ampleur d'autres dégâts. C'est ça. Ben là, on est sur les bas-fonds et on voit très bien que le projet arrive jusqu'au bas-fond. Ce ruissellement qui entraîne de la boue et qui va polluer la rivière fait que ça impacte considérablement la faune et la flore de la crique, notamment une espèce protégée, un petit mammifère protégé. C'est pas l'opossum. C'est le fameux opossum aquatique. Qui a besoin d'eau claire. Hein, c'est ça, qui chasse à la vue. Alors bon, bah là, chasser à vue dans une eau turbide comme celle-là, ça semble un petit peu compliqué. Les opposants au projet ont du coup porté plainte contre la CEOG auprès du tribunal de Cayenne. Et l'ingénieur écologue qui défend leur cause, Pierrot Pantel, a même interpellé les instances politiques en métropole. Aujourd'hui, le monde du photovoltaïque est vraiment un eldorado financier. On coupe de la forêt partout pour mettre des panneaux solaires. Il serait temps que ce monde-là comprenne aussi qu'il est soumis à des règles. Parce que, comme je le disais au Sénat devant les sénateurs et sénatrices, l'opossum, c'est mon frère. Et si ça fait rire quelqu'un, je lui dis, mais c'est ton frère aussi à toi. Alors, au village, les jeunes ont misé sur l'union des peuples amérindiens. Leurs fresques en témoignent. Et Christophe, le porte-parole du mouvement Jeunesse Autochtone, est venu les soutenir, défendre leur avenir. On est conscient de comment les choses vont se dérouler si on accepte ce projet. Aujourd'hui, le village de prospérité, les habitants, s'est encore tourné vers la forêt. On a déjà l'expérience d'autres villages qui se sont tournés vers la ville, où la jeunesse se tourne ensuite vers le trafic de drogue, vers les violences, vers l'alcoolisme, vers le suicide, vers un certain nombre d'aujourd'hui d'enjeux plus sociaux. Et tout ça parce qu'on déstructure le lien à la terre. Et derrière leur chef, désormais, ils replantent régulièrement des arbres parmi tous ceux qui sont tombés au nom d'une autre écologie, la leur en tous les cas. Si vous plantez les plantes, faut parler avec les plantes, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour te détruire, mais pour t'aider à grandir. Je mets cette jeune pousse en terre pour qu'il y ait des fruits que les enfants du village viendront manger à l'avenir. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes amis. Alors précisément, dans un cas comme celui-ci, comment on arbitre ? Oh, c'est compliqué, mais déjà, je vais dire une première chose, il faut éviter de se fourrer dans des situations pareilles. Parce que si on avait parlé avec cette tribu, ce village en réalité, parce que c'est un peuple Kalinia, et là, c'en est un petit morceau. Le Yopoto, qui est le chef, j'ai discuté longuement avec lui, mais tu veux pas de... T'en veux pas ? Il dit, ah, moi, j'ai jamais dit ça. Il n'est pas là. On nous a rien demandé. Tout d'un coup, ils arrivent, on a 80 hectares. C'est toujours le problème. Pas là. Pas là quand on fait des éoliennes. Vous avez raison. Pas là quand on fait des mines de lithium. Pas là. Vous avez raison. Mais alors, comment on fait ? On demande aux gens. Par exemple, non, on pourrait commencer par ça, non ? C'est pas un imbécile. C'est pas un ramassis d'imbéciles. Ils vont dire, oui, très bien, faites-le au bout de mon jardin. Non. Ils nous ont dit où les mettre. Ils disent, regardez là-bas, il y avait une rizière. Il n'y a plus de rizière. Le terrain est déboisé. Il y a de l'eau. Donc, vous pouvez faire tout ce système là-bas. On détruira pas un mètre cube de forêt. Parce qu'il y a aussi une autre facilité qui consiste à jouer de la flûte sur « on ne va pas déforester, jamais, etc. » Mais à la première occasion, on commence par tout raser. 80 hectares. Donc, encore une fois, je le redis, il faut calculer, planifier, éviter de se fourrer dans des impasses dont on ne sait plus comment sortir. Et ici, il y a des gens d'avis contraire. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui disent « mais monsieur Mélenchon, on va manquer d'électricité. » Très bien, posons la question. Qui nous a mis dans cette impasse ? Qui nous a mis dans l'impasse où c'est ou bien on fait ça et on casse tout, ou bien il n'y a plus d'électricité ? Nous sommes installés là. Ceux qui vous regardent, ils voient derrière vous une magnifique rivière. Figurez-vous qu'ici, des rivières, il y en a partout. Quel est le mystère qui a conduit à ce fait qu'il n'y ait pas un seul moulin, pas une seule hydrolienne sur tout le réseau des rivières ? Moulin à eau. Le moulin à eau, c'est l'invention géniale, parce que vous retrouvez toute l'énergie que vous avez pris au début. Donc, on pourrait en mettre. Aujourd'hui, on appelle ça des hydroliennes, parce qu'on a des machines beaucoup plus sophistiquées. Et puis, je termine sur une chose. Il y en a marre de regarder la forêt comme un tas de bois. Alors, c'est la compétition entre ceux qui veulent la raser et ceux qui veulent qu'on n'y touche pas. Entre les deux, il y a la gestion sylviculture douce. La forêt n'est pas un tas de bois. La forêt est la solution à nos problèmes. J'appelle ça, c'est moi qui l'ai emprunté aux autres, le biomimétisme. La nature a déjà réglé tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Minimum d'énergie, minimum de matière, maximum d'étendue des organismes qui sont en place. Donc ici, ce dont on a besoin, c'est d'aller chercher dans la forêt réserve intellectuelle les solutions à nos problèmes de médicaments, de structures solides. Vous savez, vous, que la Tour Eiffel est faite sur le modèle d'un os humain? Non. Je ne savais pas, moi, on me l'a appris, j'ai trouvé ça génial. Donc, le biomimétisme a du sens. Et puis, il ne faut pas me dire, oui, monsieur Mélenchon, la règle verte, à quelle idée géniale. On ne prend pas plus à la Terre que ce qu'elle peut reconstituer. Ben alors, comment on le fait si ce n'est pas avec du biomimétisme? Et là, pourquoi on fait des coupes rases? C'est ça que je voulais dire. Prendre à la Terre. Je lui ai dit au Yopoto, je lui ai dit, écoutez, vous savez, les Morvandus ont le même problème que vous. Les coupes rases, il y en a dans le Morvan. Prendre à la Terre. Ah bah, les coupes rases. Prendre à la Terre et en même temps développer les énergies renouvelables. C'est ça, notre sujet. Facile. Et c'est facile. Un exemple concret. La France est favorable à l'interdiction de l'exploration des fonds marins. Vous êtes sans doute favorable à cela. Ouais. L'Inde va lancer une mission de 460 millions d'euros pour explorer 75 000 kilomètres dans le bassin central de l'océan Indien pour explorer quoi et exploiter le cuivre, le nickel, le cobalt. Au nom de la transition écologique, parce que tout ça s'est fait pour faire des batteries électriques pour les voitures électriques de demain. Oui. Alors là, on arbitre comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la bonne idée, pour deux raisons. La première, c'est que l'exploration des grands fonds marins, ça fait des années, moi, j'explique qu'il y a un problème et qu'il faut que le droit s'étende. Il faut que l'ONU mette des normes plus difficiles. Et donc, il faut une force internationale pour l'imposer. Parce que là, on parle des Indiens, mais on pourrait parler de ceux qui vont faire des trous à côté de Chypre pour trouver du pétrole dessous. Une force internationale. Ou en face de Gaza. C'est quoi une force internationale? Alors, mais si vous voulez, pendant qu'on fait la guerre ici et là, on ne s'occupe pas de ce qui est plus sérieux. Ce qui est plus sérieux, c'est précisément toutes les questions qui touchent à une diplomatie altermondialiste. Je ne suis pas le premier à en parler. Déjà en Amérique du Sud, à plusieurs reprises, on a proposé un tribunal international pour l'écocide. Il y a bien un tribunal pénal international, il pourrait bien en avoir. Il faut des moyens de coercition, que la loi puisse s'appliquer, et que chacun arrête de faire des trous là où il a envie d'en faire, et que tout soit gâché de cette manière. Donc oui, il ne faut pas autoriser ça. Deuxièmement... On va aller dire aux Indiens, c'est non. Oui. La force internationale va dire aux Indiens, vous n'allez pas explorer les grands fonds marins. Bah oui, on a bien été capable de dire aux Russes qu'ils devaient sortir d'Ukraine, donc on doit bien être capable... On va en parler. Non, mais attendez, c'est un bien commun, les grands fonds marins, d'accord? Au-delà de la zone exclusive économique, c'est le bien de toute l'humanité. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un se l'approprierait. C'est exactement la même question que celle que nous verrons peut-être tout à l'heure à propos de l'espace, puisque ici, nous sommes dans le territoire du troisième port spatial mondial. Le sujet de cette transition et de ce monde en transition, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas faire les réformes contre les gens, il faut embarquer tout le monde. Oui. Comment on fait pour embarquer tout le monde? Un exemple très concret qui touche les Français en France hexagonale. Les zones à faible émission, vous connaissez ça par cœur. Oui. En 2023, les véhicules critère 5 sans vignette seront donc limités, voire interdites en 2025. Ça représente 40% des véhicules. Que dites-vous à ces travailleurs, ces infirmières libérales, ces agents d'entretien, ces ouvriers du bâtiment qui vont plus pouvoir aller travailler en ville parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique? Comment est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-ci, avec une génération qui parfois a voté pour vous, des jeunes qui la disent... La moitié a voté pour moi. Qui disent, on ne veut plus attendre, on ne vous fait plus confiance, on veut accélérer. Comment est-ce qu'on réconcilie évite de prendre des décisions absurdes. C'est une décision absurde ben, évidemment. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous n'avez pas trop d'argent, vous ne pouvez pas changer votre voiture parce que le prix moyen c'est 30 000 euros, alors vous restez chez vous. Il y a des aides. Hein. Et vous polluez dans votre coin. Oui, il y a des aides, mais enfin, ce n'est pas ça qui fait la différence. Donc, ça veut dire, ceux qui sont en zone périphérique, déjà que vous y êtes allés parce que vous aviez du mal à rester dans la zone centrale, eh bien maintenant, il y a deux mondes, il y a deux France. La France périphérique, vous restez entre vous, et les autres dans les centres-villes où nous disposons de tout. De tous les bienfaits. Non, ce n'est pas possible. Et après, la discussion, elle doit avoir lieu. Est-ce que c'est bien la voiture électrique qu'on veut? Moi, j'ai dit, depuis le début, vous ne posez même pas le problème de savoir avec quoi vous allez faire des batteries. Non, ce n'est pas un problème. Vous voulez de l'électricité, on va la sortir d'où? 1 million de véhicules électriques, une centrale nucléaire de plus. C'est ça que vous voulez? Tout ça est absurde. Ce n'est pas de la planification. Donc ce n'est pas de l'organisation. Vous êtes pour la suppression des zones à faible émission? Mais, alors qu'il y a aussi, c'est compliqué, ces sujets-là. C'est compliqué. Ça, c'est clair. Les particules fines, ce sont des milliers de morts. Absolument. Chaque année. Absolument. Absolument. Vous êtes favorable à la suppression de cette disposition sur les zones. Favorable à la mort rapide pour tout le monde. Alors, quand même, provoquez pas. Je vous pose bien sûr que non. Mais non, c'est pas poser une question. Je vais vous donner un autre exemple, si vous voulez. Vous êtes pour le bruit? Je suppose que non. Ça tue plus de gens. Aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas vivre dans le silence fait plus de dégâts que la pollution atmosphérique. Vous ne le savez pas. Mais si je vous l'apprends. Sauf que ça ne se quantifie pas. Et qui est-ce qui vit dans le bruit? Les pauvres, mal isolés. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas de mesure écologique tenable qui ne soit pas une mesure sociale. Si vous voulez que les gens n'utilisent plus des véhicules qui ne sont pas aux normes, si vous ne voulez pas les humilier en les empêchant d'entrer en ville ou en les tuant d'amende, eh bien alors développez le service public du transport, trouvez des idées. Donc c'est en si l'état, cette mesure-là, elle n'est pas suffisamment débattue, elle va trop vite, le calendrier est trop rapide. Bah, je donne mon point de vue. Mais c'est ce que je vous demande. Oui, bah, moi je suis pour un moratoire aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place les mesures alternatives qui permettent aux gens de mener une vie digne. Bon sang. Alors les gens vont aller avec leur voiture en ville, on va dire, toi ta voiture elle est une drôle de tête, tiens, pan, une amende de 70 euros, rentre chez toi. Enfin, nous nous devons mutuellement du respect, non? On ne va pas traiter une partie de la population comme si elle était faite de sous-individus. Alors c'est aux dirigeants politiques de trouver les bonnes idées, c'est leur boulot. Donc une idée qui vaut rien, on arrête. On va pas s'entêter à se mettre tout le monde à dos et à humilier les gens pour rien. Et je vous repose la question, est-ce que vous êtes certain que la bonne solution c'est la voiture électrique? Alors je me permets de dire que un peu partout, la bonne solution, c'est le transport collectif. Vous allez me dire, monsieur Mélenchon, comment on fait pour compenser à ce point une voiture? Vous savez qu'il y a des milliers de kilomètres de rails dans le pays qui ont été posés par la génération précédente, qu'on peut imaginer des véhicules qui passent sur ces rails. Vous savez qu'on a toutes les capacités scientifiques, techniques, pour bien faire les choses. Mais arrêtez d'humilier les gens. Ça ne mène nulle part. Il n'y a pas d'écologie sociale. Non, bien sûr que non. Mais il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas d'abord une question sociale. Vous venez de mettre le doigt là-dessus. Ouais. C'est pareil pour la forêt ici. Si vous dites aux gens « touchez à rien », ben ils vous diront « écoutez, alors de quoi on vit ?» Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. Je te raconterai. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillit le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non par le progrès direct de la pensée libre et de la science, mais par je ne sais quelle déliquescence obscure du dogme, où ils espéreraient entrevoir un jour je ne sais quelle nuance de schisme vaguement assortie à leurs aspirations intérieures. Je ne voudrais pas me donner un air d'outrecuidance en résumant en une formule trop simple le génie de l'histoire même de notre pays, mais je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Elle marche avec Rome, comme au temps lointain où les barbares francs se faisaient contre les autres barbares, les serviteurs et les exécuteurs de la pensée de l'évêque de Rome. Puis, quand notre pays échappe aux prises de Rome, quand il se dresse contre elle, il ne se refuse point à demi, il ne se réfugie pas dans l'incertitude des compromis. Lorsque, au XIIe et XIIIe siècle, notre intrépide et ardente France méridionale se levait contre le despotisme d'Église, ce n'est pas un schisme. Ce n'est même pas une hérésie qu'elle promulguait, c'était toute une autre métaphysique, toute une autre religion. Puis, au XVIe siècle, quand ce grand mouvement de la réforme se produit, quand éclate cet admirable réveil des consciences individuelles, ce mouvement grandit en Allemagne, il grandit en Angleterre et en Hollande, en France, il se heurte à la résistance de l'immense majorité. Pourquoi ? Est-ce parce que la France était au-dessous de la réforme ? Non, messieurs ! C'est parce que déjà, de grands génies comme Rabelais avaient entrevu toute la grandeur future de la science libre. Parce qu'ils avaient glorifié symboliquement les voiles des navires, mettant en communication les terres et les mers, et aussi les livres, les papiers de ces livres qui mettent en communication les esprits. Rabelais disait, l'humanité ira plus haut encore. Après avoir conquis les mers et la terre, elle s'élèvera vers les hauteurs de l'espace. Et devançant Hugo, il annonçait « L'humanité ira loger un jour à l'enseigne des étoiles !» C'est parce que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la réforme afin de se conserver tout entier pour la révolution. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, vers la pleine science et l'entière raison. C'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté. C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des Églises. Et c'est en dressant contre ces Églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Voilà pourquoi l'œuvre que la Commission nous soumet, œuvre de loyauté, œuvre hardie dans son fond, mais qui ne cache aucun piège, qui ne dissimule aucune arrière-pensée, est conforme au véritable génie de la France républicaine. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous ne faisons pas une œuvre de sournoiserie. Nous faisons une œuvre de sincérité. C'est là le caractère du travail de la Commission. Et voilà pourquoi je m'y rallie. C'est parce que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la réforme afin de se conserver tout entier pour la révolution. Nous faisons une œuvre de sincérité. Je mets aux voix le contre-projet de Monsieur Maurice Allard. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. La Chambre étant revenue au texte de la Commission, les députés s'enlisent pendant plusieurs semaines dans l'examen des amendements. Le gouvernement reste étonnamment absent de la discussion, trop heureux de faire durer un débat qui retarde fort opportunément l'ouverture de dossiers sensibles comme l'instauration d'un impôt sur le revenu ou la création de retraites ouvrières. Maurice Allard n'a pas renoncé à faire de la provocation. Les anticléricaux réclament le remplacement des fêtes religieuses par des jours fériés laïques. Certains prônent l'interdiction de la soutane. Mais les libres penseurs ne voient pas qu'en faisant de la surenchère, ils rendent service à Aristide Briand. À droite et jusqu'au sein de l'Église, les plus raisonnables commencent à voir le texte de la Commission comme un moindre mal. Seule une fraction du monde catholique refuse en bloc le débat. Armand de Baudry-Dasson demeure intransigeant. Député royaliste de la Vendée, commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, il défend l'alliance du trône et de l'autel. Pour lui, point de salut sans la monarchie. Un de ses ancêtres est tombé les armes à la main en luttant contre les républicains. Il en est fier. Député des Sables d'Olonne depuis 29 ans, le comte de Baudry-Dasson n'a jamais cessé de combattre la République. En 1880 déjà, il s'est montré si virulent que Gambetta, qui présidait la Chambre, l'avait fait saisir dans l'hémicycle. Après une bagarre mémorable avec les gardes républicains, le comte fut enfermé pendant 24 heures. Il passa la nuit au petit local, la cellule de dégrisement du palais Bourbon. Grand propriétaire, éleveur de chevaux, Armand de Baudry-Dasson n'obéit à personne. Sportif, combatif, il a mené la vie dure au cabinet d'Émile Combes. Le vieil aristocrate peut encore cogner. Mais son combat est-il toujours le même que celui de l'Église ? L'abbé Guéraud, en effet, semble s'éloigner de son allié vendéen. La parole est à monsieur l'abbé Guéraud. Messieurs, vous nous avez accordé des satisfactions considérables en rédigeant le texte de façon à parer au péril de schisme et en nous garantissant la jouissance gratuite et indéfinie des édifices du culte. Mais ma conscience m'oblige à vous demander, messieurs, que la loi de séparation soit respectueuse des exigences de ma foi. Il faut que vous le sachiez, la constitution de l'Église catholique n'est pas une constitution démocratique. Nous savions depuis longtemps, monsieur Guéraud. Ce qui ne veut pas dire que l'Église catholique n'aime pas la démocratie. Parfaitement. La constitution de l'Église est une constitution monarchique. Vous ne devez rien introduire dans la loi qui soit contraire à cette organisation. Votre texte ne pourra être acceptable pour nous qu'autant qu'il aura été accepté par le Saint-Siège. Vous êtes plus papiste que le pape. Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le. Quant à moi, je ne m'y associerai pas. Je proteste dès maintenant contre votre tyrannie. Sur vos paroles qui tentent à ouvrir cette ère. Nous protestons contre ce langage. Monsieur de Baudry-Dasson, pour être digne de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui. En fait, de liberté, monsieur Briand, vous n'êtes pas brillant. Monsieur de Baudry-Dasson, vous m'obligez à constater que jusqu'ici, cette discussion s'est poursuivie dans le calme. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre, au nom de la France catholique et de la liberté. J'étais à la peine, j'étais au combat. Je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national, l'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous ! Non, plus de ces lois infernales qui empêchent nos enfants de connaître Dieu. Plus de ces lois abominables qui permettent de chasser nos religieux. Plus de spoliations honteuses. Plus de ces vols véritables. Je déposerai un projet sur le bureau de la Chambre ayant pour but d'expulser ou même de coller au mur tous les traîtres à la patrie. Monsieur de Baudry-Dasson, je vous rappelle à l'ordre. Je vous prie de respecter le déroulement de la séance. France catholique. Vive la France aux Français. Nous allons maintenant examiner l'amendement de M. Maurice Allard visant a décidé que cesseront d'être jours fériés tous ceux qui n'auront pas pour objet exclusif la célébration d'événements civils. La parole est à Monsieur Maurice Allard. Mes chers collègues, quand demain nous aurons voté la séparation, la République, par un illogisme choquant, fêtera encore la naissance du Christ, sa résurrection, son ascension au ciel. Je crois que si nous voulons vraiment que la laïcisation ne soit pas un vain mot, nous devons supprimer les jours fériés religieux. Ce sont des propos scandaleux. Je ne vous demande que de leur substituer des jours fériés laïques. De même que l'Église emprunta autrefois au paganisme ses jours fériés, je demande que nous empruntions aujourd'hui à l'Église ces jours de fête. À Noël, nous fêterons le solstice d'hiver. À la Saint-Jean, le solstice d'été. À Pâques, au lieu de célébrer la résurrection miraculeuse d'un mystique nommé Jésus, dont l'existence même est hypothétique, eh bien, nous célébrerons la renaissance de la vie organique. Je demande à la Chambre, pour une laïcisation complète de l'État, de voter mon amendement. Bien, malgré toute sa poésie, cet amendement a été repoussé par la Commission. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie du nombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître et au fond de mon être du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante et de joie je suis éperdue. Michel Maffezoli, est-ce que la France est un pays révolutionnaire ou un pays conservateur ? Peut-être ni l'un ni l'autre. Enfin, en écoutant votre question, je pensais à ce que disait Joseph de Maistre, à la fois réactionnaire et pas conservateur. Ah oui. Hein, c'est-à-dire attaché à des traditions et en même temps, de temps en temps, avoir des soubresauts indéniables. Et l'histoire de France, elle s'est quand même écrite dans le sang, beaucoup, non ? Ben, disons que régulièrement arrivent des soulèvements de cet ordre. Je passais il y a peu place de la Bastille, et je me souvenais que, dans le fond, un jour avant le 14 juillet, il n'y avait rien. Et puis, d'un coup, cette espèce de soulèvement. Et sur la place elle-même, ces dates-là, 1830, 1848, 1871, vous voyez, qui chaque fois marquent ces soubresauts. Ouais. Et en même temps, je dirais, ce que je viens de dire en citant ce Joseph de Maistre, quelque chose qui fait qu'il y a le souci et le sens des traditions. Voilà ma réponse. Ouais. Et est-ce que la nation, elle est aujourd'hui, si vous voulez, aussi unie qu'elle n'a pu l'être par le passé ? En même temps, soyons clairs quand même, avant d'être unis comme cela, il y a des apports divers qui se sont faits. Hein, oui. Et c'est là que se constitue la nation. Le mot nation dit, est intéressant en latin, nacere, et naître. Oui. Naître en un lieu. Alors au bout d'un moment, quand on est né dans ce lieu-là, ben, ça crée une espèce d'unité ou une unicité, un lien indissoluble. C'est ça la nation. Et vous la faites remonter à quelle période ? Je la fais remonter à ce qu'était Philippe Auguste, par exemple. Oui. Il est un des premiers à rassembler, justement, ce qu'étaient des baronnies éparses, d'une certaine manière, il ne faut pas l'oublier. Et puis, par après, ben, c'est repris par Saint-Louis, pour ne pas le nommer, etc. Et on voit se constituer un peu cette nation, dans le sens que je viens d'indiquer. Une espèce de mosaïque qui se structure à partir, dans le fond, d'éléments très divers. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que dans l'imagerie populaire, elle remonte à Vercingétorix. Pour vous, non. Ça, c'est postérieur à ça. Oui, moi j'ai dit Philippe Auguste, c'est ce que disent les historiens, à juste titre, à mon sens. Oui, hein, c'est-à-dire dans le fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une organisation qui se fait, dans le sens simple du terme, une gestion, ce qu'est à l'origine essentiellement, pas là, mais le politique. Hein. Et l'État précède la nation. L'État est ce qui va rassembler les morceaux, si je peux le dire d'une manière un peu familière. Alors tout à l'heure, vous disiez, il y a souvent des soulèvements, et vous avez écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « L'ère des soulèvements ». Est-ce que ces soulèvements, vous les pressentez plus fréquents aujourd'hui que par le passé dans notre pays, alors que ça fait quand même pas mal de temps qu'il ne s'est pas passé grand-chose de ce point de vue. Le pays, certes, est peut-être un volcan, mais il n'y a pas eu de manifestation extérieure en dehors de mai 68, des gilets jaunes et des choses comme ça. Je suis un vieil universitaire, je vous prie de m'excuser. Hein. Puis je vous le répondre en latin, quid novis sub sole, hein. Ouais. Rien de nouveau sous le soleil. Et on voit régulièrement revenir de ces formes de ce soulèvement. Il faut pas... Mais moi, j'essaie de le voir sur la longue durée. Oui. En bref, chaque fin d'époque entraîne cela. Hein, moi, je rappelle que le mot « époque » en grec signifie « parenthèse ». Oui. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse se ferme. Pour moi, est en train de se fermer la parenthèse moderne. Hein, l'état d'accord. moderne, voilà. Et que du coup, ben, quand quelque chose de cet ordre a lieu, quand une parenthèse se ferme, quand une autre époque va s'ouvrir, il y a entre ces deux époques, là encore, si on fait des distinctions un peu sémantiques, des périodes oui. qui durent quelques décennies. Entre des époques. Les époques durent 4 siècles. Ouais. Les périodes durent quelques décennies. Et là, il y a des grouillements, des fourmillements. Et on est dans cette période-là. Pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. Il y a une période faite d'effervescence. Alors, qui sont très diverses. C'est pas la révolution dans le sens, encore une fois, tel que les staliniens nous l'ont imposé. C'est-à-dire une avant-garde qui impose au peuple quel est le sens de la société à venir. Non, c'est pas ça. C'est des, je viens de dire le mot, grouillement. Fourmillement. Alors, ce que vous avez souligné il y a un instant, hein, les gilets jaunes, avant les bonnets rouges, les convois de la liberté, les multiples rassemblements juviniles autour des rave parties, un peu partout en France. Mmh. Alors, pour moi, c'est un peu, c'est voilà ce que j'appelle l'ère des soulèvements. Hein, c'est-à-dire, dans cette période instable où on pressent les valeurs qui sont en train de s'achever, les grandes valeurs modernes, c'est-à-dire l'individualisme, le rationalisme, le progressisme, c'est fini, ça. Ça, c'est terminé, ça. Oui, je le pense. C'est ce que, enfin, moi, pour ma part, c'est ce que j'essaie d'analyser. Ça va être remplacé par quoi ? Difficile à dire, difficile d'être prophète, mais en tout cas, au lieu d'avoir l'individualisme cartésien, qui a été le pivot, en quelque sorte, des institutions modernes, hein, Michel Foucault le montre bien, comment c'est d'abord ces institutions sociales au 19e siècle, c'est plus le jeu, c'est le nous qui va prévaloir. J'ai écrit un livre, il y a quelques décennies, qui s'appelle « Le temps des tribus ». Le temps des tribus, on va reparler des tribus. Voilà, et donc, pour moi, c'est le nous. Oui. C'est plus le jeu. Ça va, alors, ça va, je dirais, à l'encontre de tout ce qu'on entend, ce qu'on raconte, en disant qu'on est dans une société qui est toujours davantage individualiste. Ça, c'est une sottise journalistique, je vous prie de m'en excuser. Je vous en prie, mais au contraire. Non, on entend cette phrase que vous venez de dire comme étant une incantation compte tenu de l'individualisme contemporain. Voilà. Il suffit de sortir dans la rue. Pour voir que nos jeunes sont toujours en relation avec les autres. Ouais, téléphone aidant ou téléphone portable. Oui, bien sûr, etc. Bien sûr. C'est le nous qui prévaut. Soyons clairs, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Ce qui est en gestation, il n'y a pas beaucoup de pire. Mais pour moi, c'est le nous qui prévaut, alors que le discours officiel, les élites politiques, journalistes, experts de tout genre, vont dire « il y a de l'individualisme ». Non, traînons un peu dans la rue pour se rendre compte que ce qui est en jeu, c'est les tribus. C'est en effet quelque chose qui... c'est la communauté. Oui. Alors, on a peur de ça, on va dire, au communautarisme. Hein, c'est fréquent d'employer cette stigmatisation. Oui. Comme, de la même manière qu'on a tellement peur du peuple qu'on dit populisme. Vous voyez, des mots comme ça. Non, alors pour moi, c'est le nous qui est en gestation actuellement. Ce que j'appelle un idéal communautaire en gestation. Et Michel, oui. Juste, allez-y. Deux autres mots, c'est plus le rationnel. Le rationalisme. Oui. Seriné aussi. Qui était une des dominantes. Voilà, c'est pour moi l'émotionnel. Sous ces diverses modulations. Oui. Et puis, c'est plus le progressisme, hein, on parle tout le temps le progrès, machin chose, etc. Non, c'est vivre au présent, comme le carpe diem, comme cueillir aujourd'hui les roses de la vie, comme ça, Fuché Ponsard, etc. Voilà, profiter de l'instant. Voilà, c'est ça, un peu cela qui est en jeu, dans le glissement qui est en train de s'opérer. Est-ce que, Michel Maffezoli, ce que vous venez de décrire, qui est bougrement intéressant, c'est une singularité française ou c'est quelque chose que vous retrouvez dans, on va dire, dans la sphère occidentale? Non, pour moi, c'est une réalité qui est mondiale. Qui est mondiale. Les premières valeurs que j'ai indiquées ont été élaborées dans le laboratoire de la modernité que fut l'Europe et la France en particulier. Ouais. Hein, la philosophie. La France là-dessus est. Oui, c'est la. C'était le laboratoire. Hein, c'est bien. Ouais. Descartes, le 18e siècle, les grands systèmes sociaux du 19e, et la France jouait là un rôle indéniable. Pour moi, actuellement, le laboratoire de ce que certains appellent la postmodernité, je suis de ceux-là, eh bien, c'est ailleurs. Hein, c'est peut-être le Brésil, c'est peut-être la Corée, c'est-à-dire là où c'est les pays qui sont pas dans la sphère occidentale, justement. Non, qui sont pas forcément. C'est un Orient mythique, hein, c'est pas un Orient pour moi, vous voyez, je pense pas uniquement à l'Orient géographiquement dans l'exemple. Non, je dis un Orient mythique. Je fais exprès de dire Brésil, Corée. Oui. Vous voyez, pour moi, il se trouve que c'est des pays où je vais très souvent, où j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui, eux, montrent et analysent effectivement ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire cet idéal communautaire en gestation qui nous est assez étranger, soyons clairs. Ouais. Le cogito ergo sum cartésien est ce qui nous a formés fondamentalement. Alors, vous êtes en train de nous dire, en fait, que l'universalisme dont la France se voulait porteuse est remis en question actuellement. Ah oui, je pense que l'universalisme, c'est-à-dire, c'est cette valeur qui a été imposée par la force des baïonnettes des soldats, dans les cales des marchands, avec la Bible des missionnaires, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle. Moi, je donne deux dates pour rendre attentif à cela. 1865, quand l'empereur du Japon fait venir les juristes lyonnais pour faire la constitution Meiji. 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. Oui. Et ça, c'est universalisme, hein, jusque ces dates, la fin du 19e. Ben là, voilà, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a, disons, une contamination, une orientalisation du monde, à bien des égards. Oui. Et nous serons pris dans cette orientalisation du monde. Vous voulez dire par là que la France va perdre ses singularités aussi culturelles ? Et civilisationnel. J'ai peur de le dire. Moi, j'aime tellement la France que je regrette de dire ce que je dis à bien des égards. Mais c'est à nous de savoir, dans le fond, accompagner la transmutation qui est en jeu actuellement. Mmh. Une vraie transmutation épocale. Nous avons peur en France, dans le milieu intellectuel en particulier, mais pas que, de parler du mot que j'ai employé, post-modernité. Oui. Hein en oubliant que le mot modernité, dont que l'on emploie à tire-larigot, a été employé en 1848 par Charles Baudelaire. Ouais. Avant, on disait post-médiévalité. Voilà, bon. Ouais. Donc, c'est assez tardif, le mot modernité, etc. Et pour moi, c'est un peu quelque chose qui est en jeu actuellement. On est en train de quitter la modernité et on a peur de dire post-modernité. Non, c'est à nous de savoir accompagner ce processus. Et à nous de redonner à la France et à ce qu'était la théorie française, hein, la génération avant la mienne, celle de Deleuze, de Baudrillard, de Lyotard, de Foucault, etc. Comment on fait ? Rayonner de par le monde. Eh bien, tout simplement, peut-être, en oubliant les poncifs d'une... Je vous prie de m'excuser de cette espèce de marxisme attardé. Oui. Dans l'intelligentsia française. Ah oui. C'est quoi ce marxisme attardé ? Eh bien, encore une fois, cette espèce de valorisation à outrance du progrès, le progressisme, l'individualisme, le fait que c'est une avant-garde qui va donner la conscience que le peuple doit avoir de lui-même. Mmh. Alors que si on est attentif à ce qui, moi, mes chers, cette sagesse populaire, eh bien là, peut-être qu'on saura justement accompagner ce que j'ai appelé cet idéal communautaire. Oui. Alors, vous allez voir, vous parlez du rayonnement, du rôle que la France a joué à l'étranger. Il y en a un qui avait une haute idée de tout cela, c'est Charles de Gaulle, et on va l'écouter. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Les Français, c'est eux qui font la France. C'est eux qui en sont responsables. La France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin. Beaucoup de choses sont dites avec l'emphase gaullienne, évidemment. Il parle du rôle que la France a joué dans le monde et elle décline cette parole. C'est très émouvant d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Et, ouais. Et je pense que c'est une belle idée que de mettre l'accent sur l'idée. Oui, bien sûr. Ce côté, dans le sens simple du terme, spirituel. Spirituel. Et le propre même, en effet, de la tradition française hein, et de longue date. Alors, le déclin, je vous ai dit, oui, pour partie. Je vais vous le dire un peu simplement, tenez. Moi, je suis encore invité, j'étais jusqu'à 2-3 ans invité à Shanghai pour le grand colloque culturel qui s'est fait. J'étais le seul français. Ah oui. 10 ans avant, au contraire, il y avait les noms que j'ai dit tout à l'heure, Deleuze, Baudrillard, Foucault, etc., etc. Donc là, il y a une espèce, oui, de décadence pour une raison précise, c'est que, à bien des égards, pour ceux que je connais, moi, dans le milieu intellectuel, hein, dans des domaines qui me sont propres, hein, c'est-à-dire soit la philosophie, soit la sociologie, etc., eh bien, il n'y a pas eu de renouvellement. Mmh. Dans la génération au pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une génération qui arrive. Mmh. Il n'y a pas un jour où je reçois tel ou tel jeune étudiant qui vient me voir. Oui. Et là, les générations en jeu actuellement, ces générations de jeunes, eux, sont porteurs d'un bel avenir. Et alors, vous avez ce mot-là de tribu. Est-ce que la France, c'est une tribu ? Ou ce sont des tribus ? Plutôt des tribus. C'est quoi une tribu, d'ailleurs ? Quand j'ai écrit... Sans rentrer dans... Oh non, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le temps des tribus. C'était un peu une provocation, à l'époque, hein, pour rendre attentif au fait qu'on ne pouvait plus rester sur cette vieille idée du 19e, la République une et indivisible. Voilà. Bon. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Je le sais, mais il n'en reste pas moins qu'à bien des égards, c'est en train de tomber. Ah oui. En même temps, revenons à cette belle idée de la res publica, la chose publique, peut être la conjonction, j'ai dit mosaïque, oui, d'éléments divers. Pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. Donc du coup, oui, à qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, j'insiste encore là-dessus, des tribus, des communautés, ben, plutôt que de rester sur ce schéma, encore une fois, de la République une et indivisible, qui va gommer les spécificités, les particularités, voir comment on peut agréger, intégrer. Moi, je suis d'un petit village des Cévennes, où il y a eu beaucoup... Mon grand-père était italien, qui est arrivé travailler dans les Cévennes. Il y avait des Espagnols, il y avait des Tchèques, il y avait des Polonais, et on voyait bien comment il fallait... perdre la langue d'origine, ouais, hein, pour rentrer dans ce qui était encore une... C'était fois. L'intégration ou l'assimilation ? L'assimilation. Ouais. Mais ne parlons pas de ces langues d'origine. Moi, je vois mes grands-parents Cévenols parler le patois, l'oupatouès. Ouais. Bien que là aussi, ce patois a disparu au nom du rouleau compresseur, en quelque sorte, de ce que devait être la langue nationale. Alors, on peut imaginer qu'il puisse y avoir actuellement, et c'est mon hypothèse, moi, hein, une espèce de conjonction de ces diversités. Mmh. Encore une fois, l'Occitanie, l'Alsace, la nation bretonne, la nation corse, et tout à l'avenant, pour tout, pourquoi ne pourrions-nous pas penser cette espèce de conjonction, hein, ce qu'on appelle, permettez-moi encore de le dire en latin, une coincidentia oppositorum, une coïncidence des choses opposées qui peuvent aboutir à cette res publica. Qui est la France. Qui est la France. Mais cela dit, quand on regarde un petit peu, notamment quand il s'est passé, quand il y a des réformes en France, ou quand on parle du droit à la différenciation d'une région par rapport à une autre, et puis qu'on regarde notre devise, liberté, égalité, fraternité, on s'aperçoit qu'à chaque fois, et on l'a vu d'ailleurs beaucoup pendant les confinements, à l'occasion du coronavirus, l'égalité prime sur tout le reste dans notre pays. Hein. C'est-à-dire que quand il a été question de faire un confinement à Marseille qui n'existait pas ailleurs, les Marseillais étaient révoltés en disant « au nom de l'égalité, on nous sacrifie ». L'égalité est plus importante que la liberté en France, non ? Moi, je crois que c'est l'un et l'autre, c'est des mots désuets qui ne veulent plus rien dire. Ah. Donc notre devise non plus, je le sais, oui. Non, non, mais je vous pose la question. On le voit sur nos frontons, hein, bien évidemment, et on a été nourris bellement par cela. Voilà. Non, moi, on a commencé en parlant de ce qui est réactionnaire, hein, si je cite Joseph de Maistre. Hein. Moi, je crois qu'il y a le retour un peu de la hiérarchie plutôt que de l'égalité. Voilà. Ah. Et que l'idée de la hiérarchie, ben, c'est le fait que, d'une certaine manière, il y a des juxtapositions de choses différentes. Il y a besoin d'autorité actuellement en France. L'autorita, c'est ce qui fait croître. Hein, c'est ça. Le bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées, etc. Et donc, plutôt que de se gamberger, de continuer à parler de cette égalité, voir que, de fait, il y a au contraire un souci de la hiérarchie, c'est-à-dire des différences que l'on a en fonction de ses qualités personnelles, où je peux être le chef à tel moment et pas à tel autre, etc. Est-ce à dire qu'on serait favorable à une démocratie autoritaire ? Écoutez, je vous prie de m'excuser. Moi, je crois que l'idéal démocratique est fini maintenant. Enfin, je veux dire, le processus d'abstention, les non-inscrits sur les listes électorales traduisent bien que ce bel idéal démocratique a fait son temps actuellement. Ah oui. Voilà. Et c'est pour ça que je parle, moi, d'un idéal communautaire en gestation. Qu'est-ce que c'est que l'idéal démocratique? Oui. Cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt. Hein, elle dit, j'ai une représentation philosophique, c'est-à-dire un corpus d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, représentation politique. Où est-ce qu'est actuellement cette représentation philosophique ? L'abstention est un phénomène important. Oui, l'a vu. Ce qu'on ne dit pas, les non-inscrits sur les listes électorales, hein, qui représentent, dit-on, entre 10 et 15% d'une population en état de voter, etc. Alors, si on additionne ce que je viens de dire, une fois qu'on a fait le partage, un élu, on peut se gamberger, on peut le célébrer, il ne représente que 10 à 12% d'une population, c'est plus dans la représentation. Voilà pourquoi je dis, ce n'est plus l'idéal démocratique qui est même si on gamberge cet idéal démocratique. Voilà. Et vous avez une autre expression, alors moi je dis, tu veux dire quoi alors, c'est je dis quoi idéal communautaire, ce que je vous ai dit. C'est quoi, c'est la démocratie participative ou... Oui, peut-être, moi, j'ai eu pour maître Julien Freund, qui était un grand sociologue du politique, et qui rappelait, dans le fond, que dans la cité antique, on ne pouvait gérer la cité commune que si on savait gérer sa maison. Oui. L'idée, en fait. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire montrer qu'il fallait être incarné, il ne fallait pas être désincarné. Or, actuellement, cet idéal démocratique, c'est une caste qui, dans le fond, était désincarnée. On le voit de diverses manières. On va pas rentrer ici dans le débat là-dessus. Et donc, revenir, encore une fois, aux politiques. La police antique, hein, la cité, en fait, dans le fond, la commune. On n'a pas de mot en français, c'est l'école de Palo Alto, qui, en Californie, qui dit « proxémi ». Vous voyez, moi j'ai dit c'est le lieu fait lien. C'est-à-dire que c'est en fonction du lieu qu'il y a du lien social. Voilà ce qu'est le politique. Il faudrait revenir à cette incarnation. Ouais. Et que c'est un peu cela qui est ce que j'appelle, moi, l'idéal communautaire en gestation. Alors, bien sûr que c'est aussi la démocratie, si on revient à la démocratie, dans le sens du pouvoir du peuple. Bien sûr. En son sens étymologique. Mais actuellement, tous ceux qui se proclament démocrates sont peu démophiles. Ils n'aiment pas le peuple du tout. Ce que vous décrivez là, c'est plutôt une notion de gauche ou une notion de droite ? On voit la déperdition de la gauche et de la droite, d'une certaine manière. Ouais, hein. Non, ma position, je sais que c'est toujours un peu embêtant de dire ce que je dis, elle renvoie davantage au peuple, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Hein. Saint Thomas d'Aquin, qui est un de mes inspirateurs, « Omnis autoritas a populo », toute l'autorité vient du peuple. Ouais, voilà. Ouais. Vox Dei, vox populo, populi. Populi. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui est ce partage qui était celui de la droite et de la gauche. Et on a vu comment aux dernières élections, ces partis représentants et la gauche et la droite sont tombés en déliquescence absolue. Bien sûr. Non, c'est plutôt revenir, encore une fois, à cette réalité populaire. Voilà. Michel Maffezoli, je voudrais vous demander de vous prêter un petit jeu, qui est le questionnaire de Proust. Si la France, si la France était un paysage, de quel serait-il pour vous ? Ah, bon, moi, le paysage que j'aime, c'est le paysage de mon enfance. Sévenol, donc. Sévenol, mon petit village Sévenol. Ah ben, voilà, très beau. C'est là où je suis né. Je rappelle la formule, on est de son enfance comme d'un pays. Ouais. Et donc, oui, c'est ce paysage où, d'ailleurs, je garde mes racines. Et je considère que ce retour aux racines, c'est ça la tradition, est un élément qui va jouer un rôle de plus en plus important. La plante humaine, tout d'un coup, se souvient que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà pourquoi, moi, c'est mon paysage. Est-ce que c'est pas, alors, est-ce que ça se résume pas tout ça à un mot qui est pas très populaire, mais qui s'appelle la réaction, tout simplement ? Non, mais le mot réaction ne me fait pas peur, moi. Ouais. Ouais, ouais. Je considère que... Non, mais tout de suite, quand on dit réactionnaire... Oui, j'entends, mais réactionnaire, non, moi je le revendique, personnellement. Ouais. Je le revendique simplement, dans le sens, encore une fois, de rendre attentif à l'importance de la tradition, tradare, hein, ce qui a été donné, on le transporte. Voilà. Alors, si c'était une toile, une peinture, Oui. Bon, moi j'ai pensé à Bruegel, c'est un peu étonnant, puisque dans le fond, c'est pas un, on va le voir peut-être, un peintre français. Si, il est là. Voilà. Mais il traduit bien un peu ce côté, maintenant on utilise ce mot un peu chic, ce côté festif qui pour moi est une tradition française, très française. Je rappelle que dans beaucoup de nos villages, il y a le four banal. Et le four banal, à l'encontre, on dit banal, ça veut rien dire. Non, le four banal, c'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté, et c'était la fête du pain commun. Voilà pour moi. En quel sens, je dirais que, pour le dire d'une manière très simple, tout est bon pour faire la fête. Hein. Cette expression populaire, c'est pas fou. À mon sens, ce qui est en jeu, là, dans cette peinture-là, quoi, là. Un écrivain. Bon, moi, c'est Chateaubriand. Ouais. C'est Chateaubriand, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Pour son anti-napoléonisme ou... Non, c'est... Oh, vous savez, Fumaroli, l'enchanteur. Ouais. Hein, donc, d'une certaine manière, on sait que ce qu'il raconte, pour partie, c'est faux. Ouais. Mais c'est très beau, voilà. Et il y a deux choses. Je les relis régulièrement. Ouais. Et les mémoires d'outre-tombe. Les mémoires d'outre-tombe. Il y a quelques jours, je lisais, j'avais ma Pléiade en main, des mémoires d'outre-tombe, et mon voisin se penche sur moi et me dit « Ah, vous lisez ?» Je le relis aussi. Ah oui. Dans le métro. C'est amusant, etc. Quoi. Non, ben c'est quand même Saint-Malo, c'est quand même Combourg, c'est-à-dire... vous voyez, il est un mot qu'il emploie et qui m'a toujours fait rêver. Oui. « Matrie ». Hein, pas simplement la patrie, matrie, hein, c'est-à-dire ce lieu, le vent, les orages, les machins, les choses qui, dans le fond, lui rappellent ce qui est sa racine, hein, ce à partir de quoi il peut croître. Voilà pourquoi Chateaubriand me plaît beaucoup. Et alors, un personnage historique ? Alors, bon, pour moi, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, oui. Saint-Louis, j'ai commencé ma carrière intellectuelle en lisant La Somme de Jacques Le Goff. Oui. Saint-Louis. Un livre fabuleux, extraordinaire. Et montrant, lui, Saint-Louis, le petit-fils de Philippe Auguste, hein, c'est-à-dire celui qui va structurer l'État, le chêne de Vincennes, où il va rendre la justice, c'est-à-dire ce côté proxémique, là encore, hein, une fois, c'est-à-dire très attaché au peuple, à bien des égards, et que quand il rend la justice, tout le monde peut accéder au roi. Et puis, n'oublions pas, c'est à ce moment-là que commence, dans la tradition catholique, la confession auriculaire. Oui. Bon, hein, oui. Et c'est Robert de Sorbonne qui est son confesseur. Et Sorbonne, c'est la Sorbonne. Évidemment. Il était très lié aux intellectuels. Il y a une petite anecdote amusante. Il reçoit saint Thomas d'Aquin à un dîner, par exemple. On ne sait pas si c'est légende ou non, mais enfin, il n'en reste pas moins que saint Thomas, qui était ce gros monsieur un peu taciturne, à un moment donné, s'écrit pendant le dîner « J'ai trouvé ». Voilà, et c'est ce contact qu'il a avec le roi qui est important. Je rappelle là la formule, dans le fond, un monarque illettré est un âne couronné. Voilà, en quel sens, je dirais que Saint-Louis était justement lettré, et c'est le seul de nos rois qui est sanctifié, ce qui n'est pas négligeable. Merci Michel Maffezoli. Merci bien. Chantait des tas de chansons, dies irées, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pam pam pam pam pam pam. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils vont voter et puis après pom pom pom pom pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais. Lui aussi, il a eu sa période rock avec les Disruptives. Oui, tout à fait. Ouais. Ça va revenir, c'est un cycle. Bah, bien sûr, j'ai... Non, je... non, j'ai bien... non, j'ai bien... non j'ai bien peur, calmez-vous. J'ai bien peur que ça revienne, Guillaume Meurice. Oui, bah, il se passe des choses en ce moment. Il se passe des choses. Ces derniers jours, il y a quand même eu des débats pour savoir si l'extrême droite était raciste. C'est vrai qu'il y a eu un gros suspense. Ah, bon ah ouais. Hitchcock, il était comme ça. C'est quoi la réponse? Eh ben, je sais pas encore. Je sais pas. Le débat n'est pas tranché. Il y a eu Hanouna qui nous a traité d'abruti. Bon, ça, je dirais que c'est plutôt une récompense pour le travail bien fait. Pour une fois, il sait de quoi il parle, Cyril. C'est un petit peu comme Mbappé qui vous traite de footballeur. Quelque part, ça valide un peu notre taf. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la COP27 qui vient de débuter. On ne parle plus des sécheresses qui s'annoncent et des projets de super bassines dans les Deux-Sèvres. Alors, super bassines, c'est des sortes d'énormes retenues d'eau. L'eau, faut expliquer à Charline. C'est un liquide, oui. C'est comme du vin chaud. Comme du vin chaud, mais du froid, c'est froid. C'est plutôt y a pas vin de... ou bière, vin. Oui, voilà. Bon, bref, pour parler de tout ça, je suis allé à l'énorme salon CIMA, qui est vraiment le salon de l'agriculture intensive. C'est un petit peu le festival de Cannes des moissonneuses-batteuses. C'est vraiment de la coke pure pour la FNSEA. Et j'ai rencontré plein de professionnels. Alors, est-ce qu'il faut des super bassines? Si vous voulez manger demain, il va falloir trouver des solutions, donc oui, il faut. Et alors, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que l'eau va être privatisée et... Ouais, mais de toute façon, pour les cultures, on mange quoi? On va pas manger de la merde, donc de toute façon, aujourd'hui, il faut de l'eau pour manger. Est-ce qu'on mange pas déjà un petit peu de la merde? Oui, mais si on veut garder de la merde française, bah faut... C'est ça, c'est l'enjeu, c'est que c'est un enjeu de souveraineté. Hein. On veut manger de la merde, mais française. Circuit court, on veut du cancer bien de chez nous, madame, d'accord? Du pontage coronarien qui fait cocorico. Allez, continuons sur nos histoires de bassines qui sont donc censées pomper l'eau dans les nappes phréatiques. De toute façon, s'il n'y a pas d'eau, on mange pas. Donc, vous allez manger quoi? Du plastique? Bah non, donc il faut de l'eau. Mais s'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, après, comment on va faire? De toute façon, on verra bien. Mais de toute façon, il en faut. Bah, on verra bien quand il n'y en aura plus. Voilà, on verra bien. Alors, écoutez, on va pas commencer à anticiper les trucs. On a déjà suffisamment de problèmes à gérer. Je suis d'accord. Vous avez vu que Kimpembe est blessé pour la Coupe du Monde? Non, c'est pas vrai. Bah ouais, tout le monde s'en fout. J'ai l'impression, heureusement qu'il y a Thomas Croisière, parce que vraiment, vous n'avez rien à foutre des vrais problèmes. Vous êtes vraiment les bobos, quoi. Traîner au café de Flore, voilà. Bon, allez. Bon, moi, je suis là sur le terrain, je suis là à chercher des solutions, et il y en a pour remplir donc les bassines des Deux-Sèvres. Peut-être plus avec de l'eau naturelle. C'est quoi la différence entre l'eau naturelle et l'eau pas naturelle? Si c'est des eaux, quand c'est inondé, un truc comme ça qu'on récupère, pourquoi pas? Quand c'est inondé, il y a des endroits où c'est inondé, on dit tiens, on récupère parce que c'est. On pourrait faire un transfert d'eau des endroits inondés. Certainement, ouais, des endroits secs. Ouais, exactement. Alors ça, c'est intéressant. On pourrait faire un énorme transfert d'eau d'un endroit où il pleut beaucoup vers un endroit qui manque d'eau. Alors on sait qu'il y a d'énormes réserves d'eau, par exemple dans la tête d'Éric Ciotti. On l'entend parce que ça fait un bruit de chasse d'eau hein, quand il parle. On pourrait peut-être faire ruisseler ou alors trouver de l'eau, mais ailleurs. Nous, dans Picardie, on pourrait le faire. Bientôt, en Picardie, on a de l'eau un peu partout. Nous, l'hiver, c'est inondé, donc... Bah, vous pourriez vendre de l'eau au sud de la France. Exactement, exactement, exactement. Mais alors, faudrait faire les transferts d'eau comment? Par benne? Comme une citerne. Tu vas les écolos qui vont tomber dessus. Oula, oui, alors là, faut faire gaffe avec les écolos en ce moment, parce que là, ça fait chier tout le monde. Les écolos, tout le monde voit ce que c'est? Ouais, c'est bon. Oui, oui. Vous voyez Yannick Jadot? Oui, oui. Ben, c'est voilà, pas ça. C'est voilà, il y avait un piège. Il y avait un piège. Non, non. Là, on parle des écolos vénères qui organisent des manifs et tout, notamment donc dans les Deux-Sèvres. On parle de quoi ? Des voyous. Des voyous. Ah, oui. Hein, parce que quand on regarde le look de ces gens-là, on s'aperçoit quand même qu'ils ne doivent pas beaucoup être très, très travailleurs. Hein. Pourquoi vous reconnaissez qu'ils ne sont pas travailleurs ? Oh, parce que rien qu'à le look, j'ai une expérience dans ma vie. Vous reconnaissez au look ? Oui, absolument. Moi, est-ce que je suis travailleur, par exemple ? Oui, monsieur. Ah, bah oui, ah, bah, j'ai un look de mec qui bosse. Voilà. Qui bosse chez Emmaüs, mais qui bosse quand même. Voilà. Par exemple, je sais pas, Aline, elle a un look. On va, bon, pardon, voilà. Ouais. Elle est, Fashion Week. Elle écoute de la musique. Voilà, c'est ça son travail. Voilà, j'imagine que manger du pain, c'est un travail aussi. Puis respirer de l'air aussi. Oui. Je veux dire, il y a un moment donné. Bon, pardon, je m'enflamme un petit peu. Rends l'argent ! Pardon. Il est temps de conclure. Concluons avec les écolos qui militent donc contre la privatisation de l'eau. Qui restent chez eux et puis qui nous font se pocher. Vous n'êtes pas écolo du tout ? Du tout, non. Il faut de l'eau, donc vous voulez qu'on mange quoi ? Sinon, si demain il n'y a plus d'eau, vous voulez qu'on mange quoi ? Ouais, mais si on finit par crever parce qu'il n'y a plus d'eau du tout dans les sols. On crevera et puis c'est tout, c'est la fin. Et puis c'est marre, j'ai envie de dire, ouais. On crèvera et puis c'est comme ça. Voilà, vive les projets qui nous promettent un futur délicieux. Rappelons quand même que l'agriculture nous fait vivre, mais que le capitalisme nous fait crever. Ouais. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Et si vous voulez voir jouer Guillaume sur scène, non, c'est pas nécessaire. Votre spectacle Meurice 2027 se jouera au Palais des Congrès du Mans le vendredi 25 novembre. Le maire Stéphane Le Foll fera-t-il partie de la salle et donc de vos soutiens ? On ne sait pas. J'espère qu'il sera au premier rang. Vous nous direz. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochet en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac. On vous suicide en loose doc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront: tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du Paul-Aidé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me couperait les doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Travaillent aussi du képi. Je pense que vous vous comportez comme des zadistes et vous risquez de dégrader le mobilier national. Non. S'il vous plaît, laissons terminer, monsieur. Merci. Si vous allez... Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, je souhaite revenir sur un de vos propos. Vous avez précisé que jamais l'ADEME n'a évoqué des scénarios à 100% renouvelables. Alors... voilà, je viens de vérifier, vous allez directement sur la librairie ADEME.fr et vous tombez sur un document qui s'appelle « Mix électrique 100% renouvelable, analyse et optimisation ». En 2013, l'ADEME publiait ses visions énergétiques et climatiques. Je vous passe les détails. Les résultats, sur ces questions, les principaux résultats sont les suivants. Plusieurs mix électriques sont techniquement possibles pour satisfaire la demande chaque heure de l'année avec 80 ou 100% de renouvelables. Et si vous ouvrez le document, vous ouvrez quelques pages plus loin et vous avez l'affirmation que même avec des scénarios contraints, vous pouvez atteindre techniquement le 100% renouvelable. Voilà, ça vous évitera de nous prendre pour des perdreaux. Merci, monsieur. Merci, madame la présidente. Je souhaitais réagir aux propos de nos collègues du RN et, encore une fois, évoquer leur incohérence totale. Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat. Dans le programme de Marine Le Pen, que vous citez abondamment... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La consolidation... Non, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas La Fontaine, peut-être ? Si. Vous ne connaissez pas La Fontaine ? Non, mais monsieur... s'il vous plaît. Ramenez le calme dans vos troupes, hein. Non, mais... Bon, terminez, s'il vous plaît. Il me semblait que La Fontaine était le génie de la langue française et que, au moins, vous le respecteriez. En tout cas, dans le programme de Marine Le Pen, ne figure pas une seule fois le mot énergie fossile. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que vous vous comportez comme des zadistes et vous risquez de dégrader le mobilier national. Non. S'il vous plaît. Laissons terminer, monsieur. Merci, madame la présidente. Donc, je reviens à mon propos et je pointais l'hypocrisie et la duplicité de l'extrême droite. Elle nous parle d'écologie, soi-disant, mais le programme de madame Le Pen ne comporte même pas l'expression « énergie fossile ». Chacun jugera. Mais en matière de souveraineté, là où ça devient comique, c'est lorsque vous regardez le programme « défense » de madame Le Pen. Parce que, dans la partie... consacré à la consolidation des partenariats stratégiques. Vous lisez, au-delà du cercle des alliés, la France cherchera à affermir et approfondir l'ensemble des partenariats stratégiques. S'ensuit une liste de pays avec lesquels Madame Le Pen envisage d'approfondir ses relations stratégiques. Parmi lesquels, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. N'est-ce pas comique de vous entendre critiquer les relations qui peuvent exister avec le Qatar quand vous-même vous envisagiez d'approfondir ces relations? Peut-être que, évidemment, ce genre de relations, elles n'ont aucun rapport avec l'approvisionnement en gaz ou en pétrole. Personne ne s'imaginera que vous puissiez avoir envie de laisser la France dans la dépendance de ses exportations et de ses importations. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie,

Ça va, oui. Tout va bien. 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant. Mmh. C'est suffisant. Si, si. Ah bah si. Si, regarde Christophe Castaner. En 6 mois, il a déjà trouvé 2 jobs et aucune compétence particulière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et concernant ces nouvelles règles de l'assurance chômage, Bruno Le Maire assure, je cite, « Nous sommes sur la voie du plein emploi ». Eh oui, alors peut-on faire confiance à un type qui a dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe en mars et qui finit en col roulé en novembre? Je ne sais pas, mais bon. Ouais, ouais, à moins de créer un pôle emploi fictif. Qui, contrairement au pôle emploi classique, donne de très bons résultats, Bruno. Ah, oui, bon. Ah bah si, si, oui. C'est là que la femme de Bruno Le Maire, justement, a trouvé du boulot. En CDI, en plus. Ah. Et 4 en même temps. Oh, bah, wow. Ouais, ouais, parce que quand c'est fictif, tu comptes pas à tes heures, tu comptes pas. Hein, c'est, voilà. Ainsi que l'épouse d'Éric Ciotti, elle a trouvé aussi, pôle emploi fictif, celle de Fillon, ah, les, ouais, enfants de Richard Ferrand, ah, et, ouais, ceux de, enfin bref. Fillon, la liste est, ouais, ouais, la liste est longue comme le bras d'honneur fait aux chômeurs, surtout, mmh, les plus précaires. Bien, tu m'étonnes. Le gouvernement considère qu'avec 373 000 100 emplois disponibles, pardon, il faut encourager le travail. Alors, pardon, 373 101. Emploi, ah bon, Bruno. Eh oui, oui, t'as encore une soignante suspendue qui vient de donner sa DEM. Ah. Voilà, bah, 473 jours sans chômage, sans RSA. L'État te laisse pas le choix, hein. Ouais. C'est le vaccin ou le tapin. C'est comme ça. Bah oui, oui, il l'a dit, Braun. Oh non. Ouais, pardon, excusez-moi. Je suis allergique aux mollusques aussi. Pardon. Donc, le ministre de la maladie. Non, de la santé, de la santé. Hein? De la santé. Ah, bah non, non, Bruno. La santé, c'est quand tu fais tout pour que les gens aillent bien. Oui. Là, c'est pas leur projet. Non, non, il l'a dit, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous, ouais, vous vous vaccinez, vaccinez, vaccinez. Mais contre quoi? Ah, contre tout, Bruno. Contre la grippe, l'hépatite, la chute des cheveux, la connerie, le... Non, pas la connerie, parce qu'ils en ont besoin encore. Ouais. Non, le Covid, surtout, le corvée, Covid, faut y aller. On a 40 millions de doses à fourguer avant la date de péremption en décembre, là. Ah, je rappelle que tous vaccinés, tous endettés, hein, voilà. D'ailleurs, je sais plus quel homme politique a dit, si Dieu nous a donné 2 bras, c'est pour qu'on se vaccine. Si, il y en a un qui a dit ça, je sais plus où, voilà. Ouais. Bon, alors Dieu nous a aussi donné 2 pieds, c'est peut-être pour botter le cul de tous ces guignols et avec des pompes taille 49.3, s'il vous plaît, peut-être. C'est la drôle de ministre Karine Duvernay. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. La richesse est comme le fumier, elle pue quand on l'entasse, mais porte de nombreux fruits quand on le répand. C'est beau. Bravo. Qui déclarait ça ? Francis Bacon, philosophe anglais du XVIe siècle. Nous sommes pour que l'argent soit répandu et porte ses fruits. Quelle est la réalité du pays aujourd'hui ? C'est que les salariés qui le font tourner vont devoir se priver tous les jours sur leur assiette. Moi, dans mes témoignages, c'est sur les fruits, les légumes, la viande, le poisson, à peu près tout. Quand c'est pas sur la santé et évidemment sur les vacances, pendant que dans le même temps, on a des toutes deux journaux sur les ventes de super-yachts battent des records, des jets privés, les ventes des jets privés de voitures de lutte ont explosé. La spirale inflationniste aux effets pervers, elle est là. Elle est là quand les profits du CAC 40 bondissent de 73% par rapport à leur précédent record. Quand en sport, un record est battu, et il est battu d'un centième de seconde aux 100 mètres, et on trouve ça formidable. Quand il est battu en saut en hauteur, c'est battu d'un centimètre, et on trouve ça extraordinaire. Là, les records du CAC 40 ont été quasiment doublés par rapport à leur précédent record, et il n'y a zéro réaction. Cet amendement vise donc à indexer les salaires des privés sur les bénéfices du CAC 40. Moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Me tiré en el puente y también la pasarela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Et d'abord, on va mettre le rire en pratique avec Guillaume Meurice. Oui, ah ben moi je vais aborder enfin un vrai sujet dans cette émission. Ça suffit le réchauffement climatique avec vous Charline, ou les ivres virgules, il confond sa femme avec sa mobilette, avec vous Alex Vizorek. Je vais vous parler des tenues à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a quelques jours, le bureau de l'Assemblée s'est réuni pour décider l'exclusion, non pas de Damien Abad, le petit prince du GHB, ni d'Adrien Quatennens qui prépare sans doute un album de reprise de Bertrand Cantat, mais bien celle des tenues dites trop décontracté. Alors ils se sont dit, tiens, si tout le monde nous déteste et ne vote plus, c'est peut-être pas parce qu'on fait de la merde depuis 50 ans, mais c'est parce qu'ils préfèrent les reines du shopping. Ce sera donc veste obligatoire pour les hommes, cravate recommandée. Alors moi, comme je suis un petit peu le responsable mode de cette émission, je suis allé voir à l'Assemblée comment ça se passait. On commence avec Marc Ferracci, il est député macroniste du groupe Ensemble. Je pense qu'il faut satisfaire tout le monde. Bonne manière de satisfaire tout le monde, c'est d'être un petit peu exigeant sur cette tenue. Mais alors c'est quoi être bien habillé ? y a des codes en particulier pour les hommes. C'est vrai que le port de la veste, le port de la cravate, ça fait un petit peu partie des conventions. Et alors ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, on peut avoir un casier judiciaire, mais pas de pull. Vous pensez à qui ? Je sais pas. Dites-moi. Moi, je ne pense à personne. Non, moi non plus. Hein, moi non plus. J'ai pas de nom précisément en tête. Mais c'est vrai qu'on pourra avoir détourné des fonds publics et voter des lois, sauf si vous portez une veste à franges. Là, c'est non. D'accord ? C'est un sens des priorités qui se tient. Allez, on continue parce que j'avais plein de questions à poser ce matin, toujours à Marc. Par exemple, Damien Abad, il peut venir à l'Assemblée siéger s'il est bien habillé. Et quelle relation vous faites entre d'abord, non pas un casier judiciaire, mais des ennuis judiciaires et la tenue vestimentaire ? Non, je sais pas, c'est une question. D'accord, je vous la repose. C'est une question innocente sur Damien Abad. Et je savais que cette question n'était pas du tout innocente. Ah bah si, j'ai que des questions innocentes. Bah, j'ai dit Abad parce que c'est le premier nom qui me venait. Quoi. J'aurais pu dire Darmanin ou Michel Fourniret. S'il avait été député, il n'avait pas eu de présence d'esprit. Allez, c'est pas grave, on continue avec Charles de Courson, député de la Marne, de son vrai nom, Charles Amédée du Buisson de Courson. Est-ce que venir en tenue cracra, avec des blue jeans percés et un t-shirt, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que demandent nos concitoyens à leurs députés ? Mais là, il demandait plus, par exemple, l'augmentation du SMIC. Ça, c'est un autre débat. Oui, il y a un débat à la fois, s'il vous plaît. C'est pour ça, ils n'ont pas le temps. Il y a trop de sujets. Ils sont obligés de faire des priorités. Bon, là, il se trouve que la veste, c'était vraiment une vraie grosse demande du peuple de France. Il faut rappeler que le mouvement des Gilets jaunes a démarré à cause d'un pull à bouloche de Muriel Pénicaud. Il faut se souvenir de ça. Quand même. Allez, on continue avec Charles. Je ne viens pas en blue jean et encore moins en blue jean percé, vous voyez. Voilà. Bon, j'essaie d'avoir un comportement digne. Ça veut dire qu'on peut refuser de taxer les super profits, mais il faut être bien habillé. Ça n'a rien à voir. Oui, un sujet à la fois, pardon. Non, mais je suis con. Non, mais chez Total, ils sont en costard, les mecs. Donc ça passe. Bernard Madoff, il était toujours hyper bien sapé. C'est ça qui est important dans la vie. Allez, on passe à l'extrême droite avec Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Je pense que le fait d'avoir un code vestimentaire, c'est aussi avoir un code de conduite derrière. C'est ça qui est en filigrane. Et pour le coup, c'est important. Est-ce que les propos racistes, ça passe mieux quand on est bien habillé ? Alors écoutez, j'en ai pas entendu pour ma part. Non. Et je crois d'ailleurs que le bureau de l'Assemblée a tranché. S'il y avait eu des propos racistes, vous imaginez bien que ce bureau n'aurait pas fait de cadeau aux députés auxquels vous pensez. Non, il n'y a pas eu de propos racistes. Je pensais à personne en particulier. Moi, je vous connais. Ah, c'est fou ! C'est fou, ces députés qui s'imaginent des trucs. Moi, je suis juste là pour poser des questions de mode. Hein. C'est tout. Je suis un peu le Inès de la Fressange de France Inter. Oh là là. Allez, je sens qu'il est temps de conclure en retournant voir la majorité présidentielle en la personne d'Erwan Balanon, à qui je voulais poser quand même une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Un conflit d'intérêts de panier runaché ou une chemise à fleurs ? Joker. Voilà. Et en même temps, panier runaché, elle est toujours, faut le rappeler, hyper bien habillée. Et c'est ça qui compte pour bien défoncer les plus précaires à l'Assemblée. Saper comme jamais, saquer comme toujours. Ouais, belle chute. Merci, Guillaume Meurice. Monsieur l'abbé, regardez votre soutane. Elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de 6 notes dégénérées. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office ? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Tu vas mollo, là, parce que remarque, tu peux rien faire. Tu prends pas de casque, naturellement. Tu rigoles, non ? J'entends rien, ça me vibre dans les oreilles. Attention. Vas-y, ouais. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. périlles, qu'on rapporte quelques pains, quelques poissons. Je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Alléluia. Jamais ! Je sors de cette bande immédiatement. Oh, bah faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Pour une fois que j'ai l'esprit station, il s'agit bien de parler du bon Dieu. Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert. Ah ouais, les clients, les marchands du temple, hein. Vous n'avez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça. Je vous emmerde. Et moi, je vous trouve grossier, Gerbert, et je vous fous la porte. Ah non. Non, non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans ou bon con d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique, vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors Plantier, salut. Je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. La revue de presse. Bon, les bornes électriques fleurissent à Remiremont. Alors, comment les villes relèvent le défi de l'énergie, hein? Pourquoi les villes doivent-elles évoluer? 21,8% des villes occupent 21,8% des terres en France. L'imperméabilisation des sols qui résulte de cet étalement urbain provoque des inondations, la surchauffe urbaine. Ouais. 1,3 milliard, l'ensemble des citadins génèrent 1,3 milliard de tonnes de déchets par an dans le monde. 1,3 milliard de tonnes. Dont une bonne partie pourrait être recycler, utiliser, réutiliser, etc. Hein? Oui, mais bon, l'humanité n'est pas parfaite, hein? Elle l'a déjà montré. 52,9 millions, les unités urbaines concentrent 52,9 millions d'habitants, ce qui représente 79,2% de la population française. Les villes sont responsables de 67% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le gaz à effet de serre dont on parle beaucoup, c'est le CO2. Mais c'est pas le seul. Peut-être que le méthane, peut-être que... Hein? Oh oui. Bon, on en parlera une autre fois. Ah, hein? Oh, ben oui. Pour l'instant, on nous focalise sur le CO2. Saint-Étienne-et-Remiremont, la borne pour voitures électriques trouve son public. Chamagne, un projet de centrale solaire présenté au Conseil. Au cours de sa dernière réunion, le conseil municipal accueillait une équipe d'un producteur indépendant d'électricité renouvelable venu présenter l'état d'avancement d'un projet d'installation de centrale solaire au sol sur une ancienne carrière. Voilà, eh bien oui, les choses bougent par moment. 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Ah, bon, ça c'est autre chose. Ensuite, les libertés auxquelles vous renoncez aujourd'hui sont les libertés que vos petits-enfants et arrière-petits-enfants ne connaîtront jamais. Autre chose, un dialogue vieux de 400 ans, mais qui est toujours d'actualité. Colbert, nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. Mazarin, oui, c'est impossible. Colbert, alors les riches, point d'interrogation. Mazarin, les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus, un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Voilà. Hein, c'est à quatre siècles, cette histoire-là. Alors, comment fait-on? Mazarin, Colbert, il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches, qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est ceux-là que nous devons taxer encore plus, toujours plus. Ceux-là, plus que tu leur prends, plus ils travaillent. Plus ils travaillent pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces douze êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux, qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer, jamais on ne s'arrête, et jamais on ne joue. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là.